Nous voici, nous voilà. Donc loup solitaire, ça va, je sors d'une écoute de JDR avec deux MJ dont un transgenre qui jouait un JDR teen movie dont je comprenais rien. Ça a explosé mes codes de JDR, alors je reviens en base, un bon Toulou. Mais écoute, bienvenue pour un bon Toulou. Nous on les éclate bien les bases, attention. Voilà, c'est ça, on éclate. Alors, bienvenue en tout cas à toi, loup solitaire. Eh bien, nous allons reprendre là où nous étions arrêtés. Alors, bien sûr, Catherine, tu n'étais point présente la dernière fois. Et au moment où on reprend la scène, eh bien, c'est le moment où tu retournes à l'appartement. L'appartement que vous aviez en commun. Accompagné de, si je m'abuse, Orlando. Et d'une certaine femme qui n'est autre que la diva, mais qui a quelque peu vieilli assez rapidement. Vous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fui très rapidement de la Scala. Et quand vous êtes ressorti du coup par l'entrée, eh bien vous avez trouvé un véhicule qui vous y attendait. Il y avait déjà quelqu'un garé, enfin au volant pardon du véhicule. Et très vite, Orlando vous a fait monter dans le véhicule et vous êtes parti plein gaz. Vous avez eu la chance en fait que personne vraiment ne vous prenne en chasse pour une raison que vous ignorez. Bien a priori les chemises noires qui accompagnaient Arturo Facha, eh bien, ne se sont pas concentrées sur vous. Vous avez pu donc vous planquer pendant la nuit dans une des planques de Orlando. Et très tôt ce matin, vous avez en mode furtif, vous avez rejoint du coup les appartements du groupe. Et tu ouvres la porte de l'appartement, et au moment où tu ouvres cette porte, eh bien, tu vois Emilio, Peter, un autre homme avec eux, et a priori un homme de Orlando, et un quatrième homme que tu n'as jamais vu. Plutôt jeune, petite paire de lunettes, bien sur lui, une coupe très très courte, qui a l'air assez déboussolé dans la pièce. Tu remarques assez rapidement que bien il y a du sang un peu partout sur les habits d'Emilio. Et les gens sont tes camarades, tes amis sont assez on a un air assez grave, la mine déconfite, épuisée. Et c'est le moment où je vous laisse un petit peu reprendre la main. Eh bien, Catherine. Vous allez bien? Oui. Oui. J'ai encore une balle. Heureusement, elle m'a fait que m'érafler. Mais je crois qu'on a juste aussi une autre personne. Le neveu du professeur Smith. Oh. Mais bonjour. Le plus important, c'est que il y a quelqu'un qui manque. Oh. Oui, où est-il? Ah ouais. A réussi à le sauver. Malheureusement. Sûrement en route pour la morgue. On a récupéré ses papiers et un peu de chance, il réussira pas à l'identifier tout de suite. Mais la police recherche des personnes comme nous. Et je pense qu'il y a aussi les blousons noirs, donc il faut faire encore profil bas un petit moment. peut se dire qu'il faisait sombre, ils vont peut-être pas nous remarquer. Franchement, on n'est pas le profil type de personne à être recherché de base. Que Dieu nous garde. Juste, Catherine, tu viens d'apprendre, comme ça, de but en blanc, cash, en ouvrant la porte et en parlant à peine, la mort de Nelson Bessborough. Et donc, tu vas forcément avoir un petit jet de santé mentale, puisque forcément, bah, tu n'es pas sans sentiment, tu n'es pas un rock, une machine. Et, il ne t'appelle pas Emilio Duranti, excuse-moi. Voilà. Et donc, ce jet de santé mentale. Ça sent Emilio qui a fait une putain de réussite. Le 1. Il fait bon. Le 1. Bon. Mais. Ah, d'accord, oui, c'est vraiment. Tu as un certain détachement, puisque tu n'as pas forcément vécu tout ce que le groupe a vécu et c'est grave, mais je l'ai pas vu mourir. Voilà, tu ne l'as pas vu quelque part. C'est grave. C'est le temps où que tout ça arrive en gros à toi, enfin que ça t'atteigne réellement, il se passe, enfin c'est pas tout de suite quoi. Donc là pour l'instant tu prends plutôt bien la chose. Je pense que ça me touche quand même, c'est pas non plus. Ça te touche, oui. C'est oui, ça, c'est ça juste que je suis pas non touche. Plus. Voilà. Voilà. Tu restes lucide. Enfin, tu es. Ouais, tu es. Bah, je me dis qu'on est toujours poursuivi, bah, comme ils étaient en train de me dire. Quoi. Il y a la police qui va peut-être nous chercher, il y a les blousons noirs qui veulent sûrement nous défoncer. J'ai sûrement la femme avec moi, enfin la diva. Donc, ouais, je pense, tu vois, c'est grave, tu vois, ça m'attriste, mais en même temps, mon cerveau, il est en mode. Il y a plein de trucs à gérer pour survivre tout de suite, là, maintenant. Donc, C'est ça, là, c'est en gros. Ça risque de te revenir, mais un peu plus tard, un peu plus tard. Voilà. Je comprends. Pour l'instant, ça va. Je vous laisse du coup reprendre. Excusez-moi. Pas de soucis. Il va falloir par contre que nous cachions le but. Ça va être impératif. On a réussi à le récupérer. Oui. On peut. Ouais, on a réussi à le récupérer et ça a rendu pratiquement fou Bessborough. Pour le coup, le bustre comporte les mêmes symboles que celui du bras, enfin les symboles de bustre du coup tout autour. Dans le dernier manifeste qu'on avait vu là dans les parchemins de CDFK, le tronc, on entend vraiment ton Rubik's Cube. Hein. Merde, désolé. Le tronc, ça avait quelle signification le tronc, Gossed ? Il y avait un truc spécial avec le tronc de l'artefact de CDFK. Et bah, il faut faire attention, si vous le touchez, gare à vous. Quoi. Ouais. Même avec. Même avec un linge. Ouais, faut pas le prendre trop longtemps. Moi, je pensais peut-être essayer d'aller dans un magasin de couture, acheter un buste, en fait, et le creuser et le mettre à l'intérieur. Ah, c'est pas bête. C'est quelque chose du plâtre, hein, ça aurait été plus simple, ou j'ai envie de dire de l'argile, ou je ne sais pas quoi. Ouais, mais pour le temps que ça sèche et tout ça, je sais pas. Et normalement, ce genre, j'imagine que vous pourrez peut-être me contredire, Catherine, mais ce genre de machin doit être creux, que ce soit facile à transporter, tout ça, de base. Oui, c'est cela. Sauf si d'un seul coup, une voix me dit le contraire dans ma tête, mais il me semble que c'est creux. Bah, en fait, vous avez... Vous avez pas vraiment, vous arrivez pas vraiment à savoir si les morceaux sont creux ou pas. Non, on parle là de. Non, non, les... en boutique, genre si ouais. On prend un buste, les mannequins, par exemple. De présentation. Bah après le problème qui va se passer, c'est souvent, enfin à cette époque-là, les mannequins étaient en bois, donc c'était une pièce fermée en fait. Genre comme si t'avais deux morceaux de bois qui étaient sculptés et qui referment comme ça. Et en fait, la base, pour qu'elle puisse tenir sur sur un pied était fermé. Tu peux pas mettre quelque chose dedans, en fait. Non, mais je pensais l'ouvrir. Ouais, du coup, il a raison, autant prendre du plâtre à la limite. Et, je pense que le plâtre sera plus simple, honnêtement. Oui, mais bon, on va pas faire le maçon maintenant, mais on va le mettre dans une valise. De toute façon, on a la valise à double fond. Oui. La grosse valise. Vous avez une malle, enfin, un gros coffre pour le mettre dedans, voilà. Avec les autres membres. Effectivement. Bon bah d'ailleurs je vais tout de suite le mettre dedans alors que je suis blessé. Je souffre. Mais oui bah je vais commencer à le ranger. Ouais, on est tous les deux blessés d'ailleurs. Tu nous vois, Catherine, on a tous les deux pris une petite balle. Enfin, moi j'ai l'air d'avoir un bandage de fortune au niveau de l'épaule, je crois. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Moi, m'a dit que ça l'avait frôlé. Hein. Je sais pas non, si. Non, moi ça m'a frôlé. Bah moi ça m'a touché, mais Peter ça l'a frôlé. Et ouais. Oui. Mais moi ça m'a touché un peu quand même. Toi t'as été touché, oui, effectivement. Ça a pas été très, c'est pas très profond. Et après moi je suis douillet. Hein. oui c'est sûr. Toi, par contre. Du coup c'est quoi le plan? Là le but, il faut qu'on quitte la ville rapidement, si j'ai bien, enfin vu la situation. Vous êtes blessé? Plus ou moins gravement. Il faut quand même qu'on arrive à gérer ça. J'ai la dame avec moi. La question, c'est comment on organise tout ça, quoi. Nos blessures peuvent toujours se cacher sous un vêtement. C'est pas la question. Je sais pas si on a besoin d'avoir un bras en chemise. Ça, c'est... C'est à voir. Mm-hmm. C'est pas... Bon, après, on peut déjà aller voir un médecin de la famille. Après, Orlando te dit que il peut très bien venir faire venir un médecin de confiance ici pour vous regarder rapidement, tu vois. Donc c'est pas un problème. Parfait. Orlando, je lui demande de faire ça. Orlando, c'est un bon. Ah mais d'ailleurs, Orlando qui toujours un petit sourire envers ta petite personne, Catherine, tu vois que. Il a été très protecteur avec toi à partir du moment où vous avez été tous les deux. Moi, je propose maintenant qu'on interroge la diva pour lui demander des explications. Oui. Du coup, je vais juste... Catherine, tu vois quand même que malgré que tu es en train de discuter... que tu prends un peu des nouvelles de tes camarades, tu as quand même du coin de l'œil ce jeune homme que tu n'as jamais vu. Alors autant, tu remarques très vite que le quatrième homme qui était là est clairement un homme d'Orlando, puisque tout de suite, dès son arrivée, il est parti discuter avec Orlando. Et d'ailleurs, il est même parti, vous avez vu Orlando qui lui a dit de descendre au coin de la rue pour se mettre en mode guetteur si jamais il voyait des choses de suspectes. Donc il n'est pas resté avec vous dans la pièce. Mais vous avez ce jeune homme qui, tu vois, ce jeune homme qui est toujours là, qui a l'air un peu perdu. Tu sens comme si il débarquait un peu de nulle part et que tout ça lui tombait dessus, en fait. Et, voilà. C'est celui-là qu'on m'a présenté comme étant le neveu, c'est ça, neveu de Monsieur Smith. C'est ça, ouais. C'est, okay. Voilà. Mais tu sens qu'il vous écoute. Effectivement, il débarque de nulle part. Attentivement. Je suis très attentif. J'essaie de suivre la discussion et en même temps, je suis donc très mal à l'aise. Voilà. Donc tu remarques ce jeune homme. D'ailleurs, Albert, je vais te demander de faire un jet. De crédit que je vais faire pour toi, pour savoir en gros si tu connais la femme qui vient de rentrer, en fait, tout simplement. Alors quand je dis connaître, c'est pas personnellement, mais si tu as une idée de qui elle est. Et du coup, mais mes amis du coup aussi, ils reconnaissent la diva dans ses traits? Il n'y a pas que moi, parce qu'au début j'étais un peu seul parce que les autres étaient dans l'arrière. Maintenant qu'ils l'ont en face aussi, ça leur saute aux yeux que ça a l'air d'être la même personne. Pour l'instant, ils sont un petit peu... Enfin, ils se demandent quand même, je pense, qui est vraiment cette personne. Maintenant, mais est-ce que physiquement, ils se disent... Enfin, si je leur explique, tu vois, en deux secondes, en mode... est-ce que ils trouvent... Enfin, voilà, la question, c'est est-ce que physiquement, ils ont la même impression que moi que... Il y a un truc qui ressemble. Enfin, je fais juste le jet d'Albert et après je vais leur faire faire un jet aussi pour voir si s'ils calculent qui c'est. Juste Ok. dans un premier temps. Elle Oh apparaît putain. vieillie de combien de temps déjà? Oh, beaucoup. Bah, genre, elle a en vrai 20, 25 ans. Enfin, non, je sais plus Attends, quel je sais âge elle même a, pas je veux pas si. me dire de bêtises, Est-ce que mais je la devrais trentaine faire peut-être. ce. Mais là, elle a l'air vieille, vieille en mode Non, 90, quoi. je vais faire. Je vais faire Ah ouais, l'inverse. Je vais faire un jet de crédit pour Catherine. Parce que ça me paraît pas logique que je fasse un jet de crédit dans l'autre sens, en fait. Comme ça. Voilà. Alors. Bon, mais non. Du coup, Albert, tu ne reconnais pas cette personne. Tu n'as pas forcément conscience de qui elle est. On t'a pas vraiment présenté à elle, vraiment. Donc, pour ouais. l'instant, c'est juste Catherine. Voilà. Je suis avec de parfaits inconnus. Quoique, non, C'est non, dommage, j'aurais quoique, aimé non, avoir un non, fan non, de non, non, plus. non, non, non, je te raconte des grosses bêtises. En fait, là, je suis en train de faire n'importe quoi, puisque je t'avais déjà dit avant, et c'est d'ailleurs ce qui t'a aidé avec ton camarade qui était venu avec toi, pour les retrouver. Donc, tu savais déjà qu'il y avait Catherine Amberston et que tu la connaissais. Donc, non, c'est ma faute. Là, je... Je pensais que tu parlais de la diva en fait. C'est pour ça que je Non, suis non, en non, non, non, fait. non, non, non, là, je te Oui, parlais parce de que Catherine. Catherine, du coup, oui, Oui. je comprends qui c'est, quoi. Je comprends Oui, que je la oui. cherchais. Oui, non, mais c'est moi qui j'avoue, moi aussi, là, je m'embrouille un peu tout seul de façon un peu nulle. Du coup, les autres, pour savoir si vous allez la reconnaître, vous allez me faire un jet d'intelligence. S'il vous plaît. De Je suis déduction. intelligent. Est-ce qu'on est Ah! smart? Moi, je vois qui Non, mais c'est. non. Moi, Alors, je suis smart. Toi, Peter, disons que. C'est pas forcément que tu la reconnais pas, c'est que tu t'intéresses pas du tout, en fait, réellement. Là, t'as d'autres choses à penser, Oui. ton intelligence, du coup, ton cerveau est en mode nominal, c'est régler les problèmes basiques les plus importants, Un par un. c'est-à-dire se barrer, hein, se casser d'ici parce que ça sent pas bon. Mais par contre, toi, Emilio, ça t'intrigue en fait, dire qu'est-ce que vient faire cette femme par ici? Du coup, tu t'intéresses un peu à elle de plus près, et en fait, tu bugs un peu parce que tu dis, mais cette femme, elle te fait penser à quelqu'un, mais c'est pas possible, ça peut pas être elle, Ce grain de beauté là, okay. C'est la diva. Et tu la regardes, tu commences vraiment à la dévisager de plus en plus. D'ailleurs, Catherine, tu remarques le visage Bon, moi je me décompose très... quand je vois ça, hein. Ouais, voilà, très... soucieux, enfin très... Enfin, un peu décomposé de Emilio. Parce que moi, elle m'avait charmé, C'est la diva étonnant, de n'est-ce base. pas? Hein. Moi, j'étais un peu charmé par la diva de base. Hein. Ouais, Quand je du vois coup, ça, je Catherine te parle. fais. Ouais. Sainte mère de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Et là, je m'adresse directement à la diva, en fait. Quand je dis ça, je suis un peu estomaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je répète ça, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous arrive ça? Comment c'est possible? Et tu vois que C'est l'œuvre du diable? elle peut pas te répondre. Comment ça? Elle essaye avec ses mains de Ils vous ont te. aussi volé votre trésor. Mais. Elle te montre sa gorge avec ses mains. Et oui. On l'avait entendu chanter et on avait eu des suspicions que Alors, je c'est pense que qui a ça se confirme. chanté? Qui est-ce qui chantait? Parce que nous, on ne sait pas que c'était le caméléon qui chantait. C'était Alors, on l'a. même Je sais l'homme, plus. c'était Arturo Faccia qui chantait. C'est Arturo Faccia? Je crois que c'était Oui. le caméléon. Non, non, non. En fait, pendant tout ce temps, là je révèle un peu le truc, mais pendant tout ce temps, en fait, ça a été Arturo Faccia, en fait, qui chantait, car avec le même procédé qu'ils ont utilisé pour Enlever voler la. les poumons. De ce syndicaliste de chez Alfa Romeo pour les greffer en fait dans l'autre l'autre personne que vous avez tué en fait dans son bureau, eh bien, ils ont utilisé les mêmes procédés avec elle, tout simplement, ils lui ont volé ses cordes vocales. Mais le rituel, en gros, donc ça, bien sûr, personne ne le sait, ça, c'est juste la MJ qui renseigne les joueurs, mais le rituel, en gros, est tellement, enfin, tellement puissant, tellement balèze que, en gros, ça a vidé de l'énergie vitale de la diva. L'a fait vieillir très très rapidement. Mais elle a eu la chance de survivre, contrairement au syndicaliste qui lui n'a pas survécu. Sans poumon, c'est quand même difficile de vivre. Oh, sans corps vocal, ça va encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc. Donc tu vois la diva qui est qui essaye en gros de dire des choses, mais elle ne peut pas. C'est genre Moi, un truc. j'y enverrai, je la. C'est pas rassuré, enfin, tu vois le ton, je suis en mode non, mais ne vous fatiguez pas. Enfin, Voyez pas en des mode vous faites larmes. ça pour rien, mais voilà, en mode voilà, ne vous épuisez pas, on vous prend en charge, on va vous aider. Voyez des larmes qui coulent dans ses yeux. Je finis par mon mouchoir qui est dans la poche de mon veston, en fait. Tu es trop trop Ma veste. gentleman. Merci à toi. Normal. Et bah je moi, je suis totalement épuisé de la soirée qu'on a passée. Et je vais aller. Je suis désolé, mais je vais devoir aller m'écrouler sur mon lit, moi. Pas tenir. Et je Oui, peux quelle heure attendre. il est environ Donc d'ailleurs, là, si vous vous êtes le êtes matin. juste. Vous êtes venu aux Ah. aurores, en fait, pour essayer de passer un peu inaperçu. En fait, c'était une heure entre chien et loup. Donc, ouais, le Ouais. soleil n'est pas encore levé. Ça va pas tarder à. Et du coup, là, en gros, vous pouvez imaginer qu'il doit être peut-être entre 6 et 7 heures du matin. Et que nous sommes en hiver. Donc, la nuit est encore quand Nouveau. même assez là. Même si vous voyez poindre un peu plus loin. Enfin, le soleil qui commence à venir. Et on Mais. avait réussi à dormir ou pas avant que Oh, Catherine très arrive? peu, très peu, très peu. Ouais. Très peu. Mais en fait, vous avez très peu de temps s'est écoulé entre le moment où vous êtes arrivé dans l'appartement et le moment où D'accord. Catherine est arrivée. Hein. Parce que vous êtes quasiment arrivé peut-être une demi-heure, 20 minutes avant que Catherine arrive. Donc, il s'est passé très peu de temps. Donc là, imaginez, on va dire qu'il est allez, 6h, 6h30 du matin. La ville commence un peu à émerger. Le couvre-feu est arrêté. Voilà, il y a un couvre-feu. Maintenant, voilà, Orlando vous dit que il vous fait part qu'un train, enfin l'Orient Express part pour Venise ce matin. Ah. Et donc, Oh. si vous vous débrouillez bien, vers 10 h, il y a le départ pour l'Orient Express pour Venise. Ouais, Mais Catherine. c'est ce qu'on doit faire, hein. Oui. Catherine, est-ce que tu serais capable, avec le peu de vêtements que tu as, de nous faire des déguisements? Ou du moins un peu nous cacher comme ça? Ou si c'est pas Tu utile, m'étonnes. Gosset. Ça va être surtout du maquillage, je pense, qu'il va nous falloir. Non, Après, mais. Orlando vous dit qu'il peut faire en sorte, avec ses amis à lui, de vous faire parvenir au niveau de la gare et vous faire entrer dans la gare par des Oui, mais. chemins dérobés, en gros. Est-ce que Orlando peut aller chercher quelques vêtements de rechange? Parce que, effectivement, nos amis ont des vêtements remplis de sang et rentrer Oui, mais non, dans mais on l'Orient est chez nous. Express. Là, On non, mais peut vous êtes chez vous, rechanger. donc Oui, vous pouvez mais le changer. but, c'est. Oui, vous avez des vêtements de rechange, dans ce Bah cas, tout va oui. bien. Oui, non, mais Ah ça bah je suis pas parti avec une veste et un pantalon, en va. fait. Pleine de Tu penses sang, tu jamais. sais, le gars est là. Bonjour, je vais prendre l'Orient Express. Oui, Oh, c'est c'est ça. rien, Mais c'est du rien. coup, Je en me suis fait, coupé en bras. c'était Je me pourquoi suis tu me demandais coupé en ça, bras. du coup, Peter. C'était parce que je pensais, par exemple, si les autorités recherchent des individus Ah, étrangers comme ouais. nous, est-ce qu'on ne devrait pas se grimer ou qu'est-ce Ils que. savent pas qu'on est Si on peut étranger. passer. Si, non, honnêtement, si Orlando nous fait passer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, Orlando vous dit, lui, avec ses hommes, ils ont des moyens, parce qu'ils ont des caches, ils ont des plans, qu'ils ont des machins. Ils peuvent vous faire passer via un réseau un peu caché dans au niveau de la gare, parce qu'ils font de la contre. Non, mais non, même pas. Mais ils sont, en fait, ils font de la contrebande. Et justement, la gare est quand même. À Paris, on n'a pas fait les égouts. Hein. Les catacombes. Ouais, mais ça aurait été trop glauque. À Venise, ça sera rigolo. Mais du coup, moi, j'ai peut-être avoir une question. C'est que du coup, il faut qu'on règle tout ce qu'on a à faire sur le moment. Avant de prendre l'Orient Express, ça, on est tous d'accord. Mais du coup, on fait quoi de la diva? Exactement. Ben, pour moi, c'est la plus grosse question. Comment on transporte le buste? Et je pense que c'est les deux questions auxquelles on a. Dans la malle. Alors, non, mais juste un truc. Oui, mais dans la malle, il n'y a pas un problème. Qu'on ne l'aiderait pas à récupérer sa voix. Moi j'ai envie de lui demander. Ouais, mais comment? On a le train dans 4 heures, quoi. Moi j'ai envie de lui demander. Non, mais alors, soit on reste et on risque de se faire prendre pour ce qu'on a fait, soit on part. Ouais. Et voilà. Et sachant que notre mission de base, c'est pas d'aider la diva, malheureusement, ce que j'aimerais totalement. mais on n'est pas des super-héros, nous ne sommes pas des surhommes. Tel Achille, nous ne pouvons pas venir. En venir. Emilio, nous sommes des gentlemen. À ce moment-là, vous avez la diva, en gros, qui te met la main sur l'épaule, Peter. Et à la manière dont elle essaye de se faire comprendre, avec ses mains, elle te dit. Allez-y. Genre, comme ça, basta, allez, partez, tu vois, genre, restez pas, tu vois. C'est vrai que l'italien, c'est souvent avec des gestes qu'on compare. Non, mais elle te dit genre, comme ça, tu vois, genre... C'est vrai qu'elle peut faire des gestes, en vrai. Oui, elle te dit comme ça, elle te dit des mains de partir. Moi, non, mais c'est vrai, par contre. Je vais dire avec beaucoup de sincérité, tu peux même demander un jet de tromperie. Je vais dire avec beaucoup de sincérité que je serais prêt à lui donner ma voix pour qu'elle puisse vivre. Ben, fais-moi un jet de tromperie, tiens. Bah non, c'est vrai. Bah oui, bah vas-y. On va voir si elle te croit ou pas. Et comme ça, moi les gars, j'ai des points d'XP. Après, elle peut faire un jet d'empathie. Mais... imposture. C'est comme ça, Borghi fait ça. Je saute sur place et je peux faire un jet. Si tu veux, imposture, tromperie, après, c'est un jet. C'est pas imposture. Baratin, comme tu veux. Baratin. Baratin. Je peux pas faire du charme. Ah bah, pas atteint 11%. T'as voulu jouer. T'étais pas obligé, mais t'as voulu. Donc, on va aller jusqu'au bout. Hein. Allez, c'est raté. T'es à ça de réussir. Hein. Ouais, j'étais à ça. Elle secoue la tête un petit peu. Tu vois quand même. Poindre un petit sourire. Alors, tu sais pas si c'est vraiment un sourire jaune, enfin, genre comme si elle riait jaune ou si c'est un sourire sincère, genre assez jeune, tu vois. Oui, elle peut se dire que moi je suis dans ce. Mais voilà, elle te retape sur l'épaule et elle te dit, genre, vas-y quoi. Allez-y. Comme je suis acteur, elle peut penser que je suis dans le cinéma muet, donc c'est pas trop grave. D'ailleurs, Orlando, très vite, reprend la main et c'est bon, je vais m'occuper d'elle. Pas de problème. Et allez. Orlando, occupe-toi bien d'elle. Mais c'est. Nous, les Italiens, on s'occupe bien des femmes. Oh, nous sommes un gentleman, comme vous dites. Moi, j'ai juste une question. Mademoiselle, est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Ce qui vous est arrivé? Ou vous n'en avez aucun souvenir? Emilio, si elle nous raconte en détail, on va voir peut-être mal à notre tête. Alors, elle te fait genre. Non, non, c'est pour genre... savoir si elle fait ça ou non, tu vois. C'est juste ça. Elle te fait ça. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon. C'est juste pour savoir ça. Ouais. Bah écoute Orlando, je te confie ma vie et celle de la lady, enfin ça, tu vois avec elle. Pas de problème. Pour le train, j'espère que ta solution ne demande pas d'aller dans la soute. Non, on a un réseau bien ficelé, les murs qui se poussent, tout ça, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. C'est un gruyère, en fait, la guerre. C'est ça, non. Mais tu sais, la contrebande, il faut bien trouver on des pas, astuces. Hein. Les vieux entrepôts des trains qui ne sont plus utilisés, hein. Tout par là. Quoi. On va passer, j'imagine, si c'est comme à Le Tcha. Bon, je regarde Arthur. Oui, d'ailleurs. Albert. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être. C'est le prof. Est-ce que vous avez des questions? Après, interrogation écrite. Attention. Si j'ai des questions. Oui, si. Mais j'en ai 10 000. Quelque chose que vous avez mal compris, que vous aimeriez qu'on. Et par contre, on ne répondra pas sur ce que c'est dans cette valise-là qu'on a mis. Pourquoi on a tué des gens pour avoir juste un buste Pourquoi Alors, là, il va falloir quand même m'éclairer pas mal parce que je mets les pieds dans quelque chose de grave dont je n'avais aucune idée en venant jusqu'ici. Je cherchais. Ce que nous a dit. Sachez qu'il y a une autre mission. J'ai très hâte qu'on m'explique aussi comment vous êtes tombé sur le neveu de Monsieur Smith et comment il est arrivé là. Non, mais j'ai très hâte. Je veux l'histoire complète, hein, dans le train, je veux vraiment... Ah oui, alors juste hors sujet, toi t'es toujours sur ta théorie en fait. Oui, moi j'ai toujours ma théorie, toi. Ouais, bah, c'est ce que je pensais. Ouais. Albert, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'ésotérisme? Vous savez en gros le concept de l'ésotérisme? Très peu. C'est un sujet... qui ne m'a c'est pas votre... spécialement beaucoup attiré jusque-là. Je commence à prendre conscience de la part mystique qui se joue ici et je ne sais pas vraiment comprendre tout ça. Sachez que votre oncle est un chercheur, bien évidemment, mais il cherche avant tout... Il a des travaux là-dessus. Et nous l'aidons. Car des personnes mal intentionnées souhaitent utiliser non pas ses travaux, mais aller dans cette direction-là, en utilisant l'ésotérisme pour sûrement faire des mauvaises choses dont nous ne savons pas réellement ce qu'elles vont impliquer. Et vous savez que, tout aussi bien que nous que votre oncle est un homme de bien et d'honneur et qu'il ne serait pas ne jouerait pas un second jeu avec nous par rapport à ça, ou bien nous enverrait pas afin, on nous donnant très peu d'informations, afin qu'on puisse non pas... On a déjà été menacé plusieurs fois, et surtout... On n'a pas été menacé par les bonnes, des gentilles personnes. Nous sommes allés par-delà certains murs de notre réalité, j'avais l'impression, à Lausanne, mais aussi nous avons l'impression qu'une force essaye... de nous détourner de notre objectif, qui reste aussi une ombre dans notre sommeil. Et ce à quoi tu dois t'attendre, c'est à des choses que on ne peut pas expliquer par des mots. Sache que ton esprit sera mis à rude épreuve et que la folie prendra toute forme. Tu sais, il est en train de flipper, tu sais, on est tous ensemble. Non, c'est ça, on se ment ça pour cette nuit, tu vois, souffrir. Mais je vous répète que je vois sur vos visages, je vois quelque chose de dur qui vous a traversé. Je comprends que vous venez de perdre quelqu'un parade à vous. Je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez. Je ne sais pas si vous étiez si proche, mais je le vois. Je vois sur vos visages cette chose dure. Je comprends que vous ne vouliez pas me mettre en danger, que vous vouliez pas me révéler des choses qui pourraient me mettre en danger, mais je suis arrivé juste en espérant avoir des meilleures nouvelles concernant mon oncle, mais là je peux pas rebrousser chemin, ma nature de toute façon tout aussi curieuse me poussera à enquêter pour avoir ces réponses que vous voulez pas me donner, alors il va falloir me donner des réponses, il va falloir me considérer comme impliqué maintenant. Bien. Moi, je prends le portefeuille de Nelson que j'avais récupéré et je sors le billet de l'Orient Express de Nelson. Et je lui tends. Bienvenue parmi nous. Je prends. Tiens, tu peux prendre aussi les économies de Nelson, mais... Tenez, prenez. Voici son majordome. Bon, après vous avez la somme que vous a donnée le professeur Smith qui est une énorme somme d'argent pour l'époque. Hein, donc, moi, il me reste 5 centimes. Donc, toi, tu as donné des livres à ne plus que quoi savoir en faire. Hein. Mais vous avez largement, mais très très très, très largement d'argent pour ce voyage. Si j'ai pas de bêtises. Vous êtes riche. Oui, on a assez d'argent. Donc, oui, oui. Youhou, nous sommes de la classe aisée. Bon, bref, du coup, je demande à Orlando s'il peut nous faire maintenant l'extraction jusqu'à la zone de largage. Tango, je suis d'accord. Faut... Tango, Charlie. Autant patronner. Du coup, il vous dit qu'il n'y a pas de souci, il va sortir pour prévenir son homme de main qui est avec lui pour qu'il aille justement faire venir un véhicule qui vous récupérera tous et vous emmènera du coup à la gare via des moyens détournés. Oui, je donne quand même l'arme que j'avais obtenue à Al et je lui demande est-ce que tu sais t'en servir ? Pas du tout. Ok. C'est quoi comme arme d'ailleurs ? C'était un pistolet que j'avais. Tu m'avais pas dit ce que c'était. C'était pistolet dans la boîte à gants. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas. Bon, après on va partir sur une arme de poing classique. Parce que moi, comme j'ai le bras. Complètement, voilà, je vais pas me mettre à tirer. C'est pour te dire qu'on n'est pas à l'abri qu'à la gare, ça puisse. Tu vois, on part du train, on commence à fusiller comme ça. D'accord. On partait sur une arme de main classique. Je regarde ça. Pistolet, tu peux regarder dans le mien, normalement, il y a écrit. Arme de poing. Bon, je te l'attends, l'arme. Est-ce que tu la prends, en fait ? Mais, en fait, j'ai déjà une arme. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir, mais en venant ici, je ne savais pas où je mettais les pieds et j'ai pris le peu d'affaires que je possédais. J'ai cette arme qui appartenait à mon père. Je vous avoue que j'ai peur de m'en servir. Mais... Si, il sort un fusil. C'est quoi ? C'est un pistolet ou c'est genre... Vous voyez, il sort un automatique Kali 45. Ah oui, non mais toi, t'as un truc de la Seconde Guerre, là, ouais. Voilà. Non, bah, la première. Bah, la première, enfin, la seconde n'est pas encore passée. Guerre. Quelle Seconde Guerre ? Que s'est-il passé ? Et là, t'entends dehors, ça fait... du coup, je vais garder l'arme, hein. Mais bon, je vais aller me faire sans l'avoir sur moi. Merci beaucoup. Moi, j'allais me reposer un peu en attendant que le médecin arrive. Oui, voilà. Donc, très vite, de toute façon, le temps se passe. Une vingtaine de minutes après, un homme vient frapper la porte accompagné du camarade d'Orlando. Donc, c'est un médecin qui vient avec sa petite trousse de soins. Voilà, et qui vient en gros s'occuper de toi, Emilio. Alors, du coup, j'avais pas noté exactement où t'en étais au niveau de tes points de vie, toi. 10 sur 13. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que tu vas récupérer un point de vie par rapport aux soins qu'il te fait. Par contre, il te donne en gros un traitement à suivre que tu devras faire. Sur plusieurs jours pour faire en sorte que tu puisses te soigner au mieux. Donc là, le soin qu'il te donne te fait récupérer un point de vie. Donc je te laisse gérer ça, hein, rajouter ton point de vie. Il ausculte un peu les autres pour savoir s'il n'y a pas de soucis. Et d'ailleurs, il remarque rapidement du coin de l'œil la diva, même si vous voyez qu'il ne se rend pas compte que c'est elle. En fait, c'est vraiment, il lui parle comme si pour savoir si elle va bien. Vous voyez qu'elle hoche la tête en disant que tout va bien sans parler. Et donc, juste après avoir fini ses soins, vous voyez qu'il s'en va qu'il est raccompagné par l'homme de main de Rolando. Et une heure après, Orlando arrive dans l'appartement et vous dit que tout est prêt. On va pouvoir y aller. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je crois que Peter aussi avait pris une balle. Ou non, il a été il avait une, oui, il avait été éraflé, je crois. Enfin, il avait. Éraflé, ça peut quand même être. Oui, bah long, après. Enfin, éraflé en mode vraiment de loin ou en mode ça brûlait la peau et tout. Attends, j'ai juste regardé sa fiche. Non, il avait tous ses points de vie, donc. Peter, t'as mes points de vie personnellement. Pas pour oui. T'avais. Ça, je t'ai échangé. T'avais été blessé, toi? Non. Oui, j'ai été blessé, mais je crois que tu m'as pas donné le nombre de points de vie que j'avais perdu. Tu m'as juste dit que j'étais bien blessé. Ah putain, alors c'est malo, ça. Du moins, peut-être que c'était dans la précédente feuille, on n'avait pas changé le truc, alors. Voilà. Eh bien, écoute, attends. Si t'as été blessé, on va dire que t'as... Oh là là, t'as... Alors, est-ce qu'on va dire que je suis mort? Alors, en fait... Je crois qu'il ne pouvait plus porter le buste ou un truc du genre. Ou... Oui, c'est ça. C'est ouais, ça. C'est en, fait, j'avais le bras comme ça et l'autre, je ne pouvais pas porter la brouette du buste. Ouais, exact, exact. Du coup, on va partir du principe que si c'est quelque chose quand même qui est handicapant, ça te fait au moins 3 points de perdu. Hein, si ça t'handicape, je vais pas t'enlever qu'un point. Donc on va partir du principe que t'étais tombé à 8. Non, 3 points. Donc t'as 11. Donc tu passes à 8. Je sais pas compter. Hein. Okay. Donc en fait, là, le médecin, en gros, ce que j'ai dit à Emilio, c'est qu'il vous a ausculté et il vous fait regagner, en gros, un point de vie. Seulement vous avez un traitement à faire que vous allez devoir faire sur plusieurs jours pour le repos. Voilà, et même allé, enfin voilà. D'ailleurs, il te donne, tu vois qu'il te donne une crème. T'avais de la chance. Il avait une crème pour tout ce qui est urticaire, des démangeaisons, et qu'il te donne parce qu'il remarque ton bras gauche est. C'était sur le bras gauche ou le bras gauche, hein, c'est ça? Le bras gauche, oui, ça m'étonnerait pas que ce soit le bras gauche. Bras gauche qui est très irrité. Ouais. Les plaques rouges, et du coup, il te donne une crème qui est censée apaiser ses brouillons. Je lui demande s'il a pas de la morphine par hasard. Non, ça il en a pas. Ah. On tente, hein, docteur. Du coup, il te dit que tu peux te soigner un peu plus tard, ça va, tu vas récupérer après de tes blessures. Et vous voyez du coup Orlando qui fait venir la diva et quelqu'un la récupère dans une autre voiture et elle s'en va en vous faisant le baiser à chacun comme ça. Et des larmes perlent sur ses yeux. Tu vas me manquer. Je ne veux pas t'abandonner. Reviens, Diva. Enfin bon, avec nous, elle a pas eu que des emmerdes. Donc bon. Et après, je sais pas si c'était. Enfin, vous n'auriez pas été là, elle les aurait connus pareil. Donc, ouais, au final, pense, oui. Je pense. Oui. Donc. Et vous voyez que du coup, elle passe le pas de la porte et elle disparaît dans les couloirs. Vous êtes donc tous les quatre. Prêt à partir et prendre la voiture. Alors, est-ce que vous partez de suite? Vous avez 2-3 affaires à ranger? Qu'est-ce que vous faites? Je me change. Moi, je vérifie parce que normalement, on a toujours notre bras rangé dans notre malle. Je vérifie avant de partir. Ok, mais je vérifie avant de partir qu'il y a tout. Puis comme ça, je vois à quoi ressemble le buste. Je vais faire des bras, c'est joli. Ça va bien ensemble. Conneries, là. Voilà. Ok. Eh ben, tu remarques que bah, le buste est bien présent. Il n'y a pas de problème. Okay. Et le bras. Et le bras également. C'est le bras qu'on a laissé seul au début. Le bras également. C'est de la chair, en fait, sur le bras et le buste. De quoi ? C'est de la chair. Ils sont faits en chair ou pas ? Non, non. Pas non, c'était pour... C'est une espèce de céramique. D'accord, oui. Très... C'était très, le fesse qui était en chair. Ouais, voilà. Ouais. Très, en gros, lisse. C'est très doux au toucher. Je touche pas, mais moi. Quand, voilà, quand on touche, on a quelques petits soucis. Donc, vous l'avez pas beaucoup touché. Le je seul touche, qui a vraiment touché... Le seul qui a vraiment touché, et maintenant il se démange, ça le démange un petit peu. Ah, mais je touche, mais avec la main de Peter. Eh oui, oh mon dieu, j'avais oublié ça, mais c'est vrai que Peter est en train de se transformer là. Il avait son bras qui. T'as pas vu que je suis en train de me faire là une petite crème et tout Mais d'ailleurs, si, si, mais. Tu sais, j'avais oublié. Tu sais, Emilio, que. Pardon La crise urticaire de Peter, elle a augmenté, genre elle a mangé la main et ensuite elle est allée sur le bras, ou est-ce qu'elle est restée juste pour l'instant ça reste plutôt stabilisé, c'est sur le long terme, en gros ça reste c'est gênant, mais c'est, pour l'instant c'est pas envahissant. Ouais. Là tu vois, il y a des petites zones rouges qui démangent. Je te dis, dès que tu vois avec un écomone en train de me dépecer et faire un truc avec le culte de la chair, là tu pourras me poser des questions. Voilà, c'est ça. Là, tu peux... Par contre, tu te rappelles, toi, Emilio, que tu as touché le buste, ouais, mais que pour une raison qui. Mais non. Que tu ignores, tu n'as pas ressenti quoi que ce soit. Je vous laisse quelques heures le temps de fuir et tu fais n'importe quoi. Voilà, ça touche bien. Bien pour le bus qui s'échappait. C'était un plan, d'accord, depuis le début. Oui, non, en vrai, je sais. On était si là tu pour n'avais ça. Pas tiré, si tu n'avais pas tiré, je suis sûr. J'ai pas tiré. J'ai jamais tiré. C'est toi qui as ouvert qui a tiré. Non, c'est pas moi qui ai ouvert le feu. Il y a quelqu'un qui a tiré de base. Nelson ? C'est Nelson, mais je vois. Oui, c'est Nelson qui a tiré. Ouais, ah, je pensais que c'était clairement toi qui avais sorti ton pistolet. Ah non. Non. Non, justement, parce que moi, dans la panique, j'ai juste fait putain, c'est con, on est totalement repérés alors que tout se passait bien. c'est Nelson qui a ouvert le feu pour la première fois. Ça faisait pas partie du plan. Occasionnant ce gunfight, c'est malaise. Et donc, ne me reproche plus jamais ce que je n'ai pas fait. En tout cas, eh bien, mais sur oui, ce... Orlando vous dit de le suivre. Quelqu'un, enfin deux gars en fait viennent porter la malle pour vous. On prend aussi vos affaires, ce que vous avez fait personnel, et vous voyez du coup en descendant une camionnette. Donc clairement voilà, c'est totalement fermé. Il vous fait rentrer à l'arrière, il tire une bâche. Et donc, une fois que vous êtes à l'intérieur, bien vous êtes en gros mis dans le fond devant vous. On met des cartons. Et du coup, vous êtes à l'abri des regards si jamais quelqu'un venait à ouvrir. J'ai l'impression d'être un animal. En fuite. Écoute, on se planque ou on se planque ou on se planque pas. Hein, c'est comme ça. Hein. Du coup. De quoi ? Non, je demande. Mon à... Dieu, donc je me suis mis. Je demande à Peter, t'as une meilleure idée ? Non. Voilà. Donc on c'est se plaint ça. Pas. Je me plains si je veux. Emilio, je vous sens énervé. Calmez-vous. Vous êtes... On va partir de là, tout va bien se passer. Vous êtes du coup tous les quatre à l'arrière de ce véhicule. Orlando, lui, est passé devant. Avec un autre homme, un véhicule vous suit à bonne distance, histoire de ne pas faire convoi, et vous sentez du coup le camion se mettre en route, vous suivre un chemin, vous sentez que ça tourne un peu à droite à gauche, enfin bref, ça secoue un petit peu, vous êtes un peu ballotté, d'ailleurs vous sentez que l'ambiance dans le camion, c'est une odeur un peu rance, de bois pourri, ça sent pas super bon. Oui. pendant Qu'est-ce le moment en fait où Catherine n'était pas encore arrivée et qu'on a eu un peu de temps pour nous, mm-hmm. et pendant le moment où le médecin n'était pas encore arrivé et qu'on a eu encore un peu de temps pour nous, j'ai écrit une lettre en direction de parrain, en fait. Mon parrain. D'accord. De mon donne. D'accord. Que tu veux la transmettre comment cette bah, je la passerai à Orlando. D'accord. Ok. Ça marche. Je te tiens vraiment beaucoup. Du coup, bah, vous. Est-ce que. Oui, vas-y. Qui c'est Orlando Parce que du coup, je vous suis aveuglément. Je veux vous faire confiance, mais comment je sais que je peux faire confiance à cette personne qui nous conduit C'est un membre de ma famille. C'est une personne sympathique qui nous a toujours été fidèle. Un peu. Enfin, il est gentil. Un peu dangereux voilà. Sur les bords et mafia sur l'autre. Qu'avez-vous dit Même malgré tout, il est fidèle à Emilio. Non, Emilio, ne le prenez pas mal. C'est une façon de parler, voyons. Nous sommes une organisation où nous essayons de vivre. Un but lucratif, bien sûr, bien sûr. Si, lucratif, bien évidemment. Mais est-ce que c'est pas mieux que ce concessionnaire fou qui tue des gens pour récupérer les poumons? Oui, c'est, bah, oui là, mais je pense qu'on n'est pas dans le même domaine. Ça, c'est... Bah... Tu manques d'inspiration. Mais quoi qu'il en soit... Quoi qu'il en soit, sachez que voilà, il a toujours été fidèle à Emilio et jusqu'à présent, il nous a jamais posé problème. Non, vous Donc, en faites pas, je pense que pour sortir police, d'ici, ça. Oui, voilà. C'est oui. Ça. Du coup, le trajet continue et au bout d'une vingtaine de minutes, vous avez peut-être essayé de parler un peu de comment vous allez vous débrouiller une fois dans le train, en sachant que la prochaine destination est Venise. Peut-être faire le point sur ce qui vous reste encore à venir, puisque vous avez cette fameuse liste que vous avez donné le majordome du professeur Smith sur les différentes étapes et les moyens de pouvoir peut-être retrouver toutes les pièces du simulacre. Et vous avez souvenir que quelque chose mentionnait Venise. Maintenant, c'est peut-être pas forcément tout frais pour vous. Si, c'est frais, c'est très frais. C'est très, très frais pour vous. Alors, vous pouvez en discuter pendant pendant ce trajet de camion. Bah oui. Bah si vous voulez, moi je vous laisse. Hein. Sinon on arrive directement à la gare. Il reste encore deux villes en Italie. Donc, on a fait du coup Milan. Maintenant il reste Venise. Et le dernier c'est avec un T, j'ai oublié le nom. Trieste, merci. Trieste. Et je pense qu'on aura suffisamment d'informations pour comprendre un peu plus les démangeaisons que j'ai. Cette histoire avec... les membres de l'artefact, les personnes qui sont à la recherche de son pouvoir aussi. On se souvient du type dans nos rêves. Et là, j'ai l'impression que certains savent déjà l'utiliser, ses pouvoirs. C'était pas pour rien qu'il était à la représentation de la Scala. Oui. Cette organisation des frères de la chair. Effectivement, dont faisait... Oui, nul ne refuse l'écorcher, n'oubliez pas cette menace que nous avons eue dans la première séance. Le trajet se passe et finalement, le camion s'arrête au bout d'un moment. Et vous voyez du coup Orlando qui ouvre l'arrière du camion et vous demande assez rapidement de sortir. Et il vous indique un couloir... à suivre. Vous voyez que des camarades à lui récupèrent vos affaires et ils sont habillés tels des porteurs de la gare. Ah, des grooms. Voilà. Et vous arrivez en fait via des couloirs à droite, gauche. Vous suivez un peu Orlando dans la démarche. Et vous finissez par arriver sur le quai de la gare via une entrée d'employés. Et vous avez face à vous le train de l'Orient Express. Bah, avant de monter, Oui. Avant de monter, j'embrasse Orlando, tu sais, je lui fais une grosse accolade. Et je lui glisse dans sa poche discrètement la lettre en question que j'ai écrite au préalable. D'accord, il fait un signe de la tête. Il fait pas de commentaire. Il verra qu'il y a la marque de la bague à la cire. Et il sait que c'est pour le don, quoi. Ouais, il se doute, tu vois, il veut pas poser de questions. Si tu lui glisses la lettre comme ça, sans un mot, c'est que... Y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Et dedans, il y aura en fait, il y aura un résumé d'un peu de ce qu'on a vécu, assez édulcoré pour pas qu'il pense que je sois fou. Et puis, je lui dis que l'ésotérisme a l'air effrayant et que l'air d'une science bien réelle. À la fin. Okay. Du coup, lui te dit que il va devoir te laisser. Il ne peut pas rester avec vous sur le quai car ça pourrait amener à suspicion parce que. On le connaît un petit peu. Il t'embrasse. Hein, le signe de la famille, quoi. Genre, les accolades qui vont bien. Il se dirige du coup vers toi, Peter. Te serre la main et te dit bonne chance. Et occupez-vous bien de mon Emilio. Ah, hein, et... Je pensais que vous allez me dire Catherine, mais oui. Aussi, enfin, mais ça, c'est moi qui vais m'occuper d'elle. Il fait sa petite vanne, c'est moi qui vais m'occuper d'elle. voilà, c'est ça. Avec un grand sourire. Non, bien sûr, après, il te dit, oui, il veille bien forcément sur Catherine, évidemment. Bah, on doit veiller les uns sur les autres. Et il dit, voilà, et une fois que vous aurez fini tout ça, n'hésitez pas à revenir à Milan. Il sera heureux de vous inviter dans de meilleures circonstances pour vous faire découvrir la ville et ses plaisirs, que ce soit culinaire, musical, théâtre et tout ça. Ouais. Et il finit, il passe d'abord par Albert, qu'il n'a quasiment jamais vu, mais... Voilà, tu fais partie du groupe maintenant, donc il te serre la main et il te dit bonne chance pour la suite. Et il espère que tu retrouveras ton oncle. Merci beaucoup. Et finalement, le meilleur pour la fin, il se présente devant toi, Catherine, et te prend la main et te fait un baise-main de toute beauté, tu vois, genre... voilà, sachez que vous êtes ici chez vous et je serai ravi de vous recevoir dans de meilleures circonstances. Prenez soin de vous et si jamais vous avez besoin, même si je suis loin, j'essaierai en sorte de vous aider. Je vous remercie. Votre présence était fort agréable. Enfin, il est fait un grand sourire, il est charmé. Et il vous laisse et il part du coup par là où vous êtes venu, par les couloirs. Vous voyez que il y a 4 personnes qui arrivent avec vos affaires personnelles, soit la malle et vos valises, qui sont du coup habillés comme des porteurs et qui vous dirigez du coup vers le train. Vous voyez des gens qui montent tout aussi fortunés que vous. Hein, vous êtes là sur l'Orient Express, c'est le fleuron du ferré. Hein, donc là, il n'y a pas mieux, c'est la Rolls Royce des trains. Et on vous fait rentrer vous avez des cabines qui vous sont dédiées. Et vous prenez place. Comment allez-vous vous répartir en fonction des places. Est-ce que vous gardez le même process? Qui va avec qui? On a combien de cabines? Alors, vous avez 3 cabines. Ah, c'est ça. Mais comment ces cabines? Alors, il y a une cabine double et deux cabines seules. Bon, comme je suis une dame, hein, bien entendu, je pense que... Dormir avec quelqu'un, seule, bien évidemment. C'est ça, j'avais imaginé, il y a des trucs lourds à porter. Non, mais... Imagine, faut que j'ouvre la porte, enfin, comment je fais s'il n'y a pas d'âme, je comprends. Non, les cabines simples, ensuite, c'est plutôt... je pense qu'on va faire Emilio et moi, et tu auras une cabine pour toi tout seul, du coup. Moi, je me questionnais, parce que si jamais on est en danger, vaut mieux peut-être que vous soyez à deux ensemble. Vous savez peut-être pas forcément très bien vous défendre, je sais pas. Mais moi, vu que j'ai l'habitude de savoir me défendre, peut-être qu'être seul pourrait être une bonne idée pour vous permettre, si jamais il faut, de vous défendre au cas où. Ouais, mais je suis blessé dans tous les cas. Faut mieux que tout ça dans la même pièce. Ouais, mais je n'aime pas. Il n'a pas confiance en Albert. Quoi. Pas confiance en Albert. Ça, moi, j'ai peur d'être tout seul aussi. Ah, ben voilà. Si vous avez peur d'être tout seul. Je prends la cabine toute seule et je vous laisse. Moi, il n'y a pas de souci. Peter, si tu as peur d'être tout seul et que Albert aussi, vous serez tout seul tous les deux, et comme ça, vous n'avez plus peur. Ah, si tu veux, mais. Comme ça, vous n'avez pas le voyage. Au pire, ce qu'on fait, si vous avez peur d'être tout seul, on vous met tous les deux dans des cabines seules et avec Catherine, on prend la cabine à comme ça, personne n'est content. Et c'est Emilio Emilio permanent, c'est genre. Bon, je me dévoue. Je vais dormir avec Catherine. Bon, mais ça m'emmerde aussi. Hein. Mais dans une je cabine vais seule, tu peux le déjà. Tu veux que je fasse un jet de baratin? Non, mais du coup, vas-y, dors dans une cabine seule. Non. Mais qu'est-ce que tu veux au final, quoi? Mais non, mais moi, ce que je veux au final, c'est qu'on soit le plus cohérent possible. On va faire tout ensemble dans une cabine, ça ira bien. Non, la dernière fois, il y avait des gens, ils ronflaient. Oui. C'est 2 heures plus tard, 2 heures de session plus tard. Bon, alors on fait comment? Non, parce que là, j'impose, comme ça va être plus simple. Ce sera Emilio et moi, Albert, t'as une cabine pour toi tout seul. Ah non, voilà. Moi je veux pas dormir avec Peter, j'en ai marre de dormir avec Peter. Il y a déjà des antécédents où il dormait avec son père qui n'était pas son père, mais c'était ce personnage. C'était magique. Non, moi je prends une cabine toute seule, c'est bon. Non, okay, en fait. Moi, faisons ça. Emilio seul. Voilà, Emilio seul. On met Peter avec. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Le nom de Bethany s'appelle Albert. On met Peter avec Albert et moi, une cabine seule. Voilà. Et t'as de la chance que voilà. Catherine a parlé. Catherine, vous voyez polémiquer sur qui quoi. Elle a décidé pour vous. Ce sera comme ça maintenant. C'est tout. Mais Peter, je ne comprends pas. Vous me détestez tant et vous voulez tellement redormir avec moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment. Oula. Donc du coup, on est d'accord maintenant. Qui dort seul? Okay. Emilio, donc tu dormiras seul et Peter dormira avec Albert. Ouais, je fais un jet de sieste moi. Tu fais un jet de sieste. D'accord. Moi, maintenant que la question du dodo est réglée, moi j'ai une petite question d'abord au MJ et après je verrai si c'est intéressant de le poser au groupe. En reprenant mon petit guide du voyageur, hein, j'ai relu un paragraphe malgré moi. Qui disait que c'est vrai qu'il y a bon, on a le temps parce qu'on a 2 arrêts avant qu'on quitte l'Italie, mais à chaque contrôle de frontière, ils vérifient les passeports. Et je veux juste les dates de comment ça se passe. Par exemple, pour Albert, parce que vu qu'il a le ticket de Nelson, non, ils sont pas nommés, est-ce qu'on risque d'avoir des problèmes quand on va quitter l'Italie? Ils sont pas nominatifs. Okay, les billets ne sont pas nominatifs. Non. Okay. Non, c'était juste ça. Donc du coup, en fait, quand on va quitter l'Italie, tant que Albert sinon, a son passeport. Moi, de toute façon. C'est... J'ai un petit passif là-dedans, je peux fausser des papiers. Non, mais quoi qu'il en soit, le biais n'est pas nominatif, c'est un biais. Voilà, ok, c'est là, et après, tu le gardes avec toi. Si tu perds, et ben tant pis. Voilà. Donc, avec le temps que vous avez passé pour essayer de savoir qui dormait où, eh bien, le train est parti. Vous n'aviez pas encore choisi qui allait dormir ou que le train était parti. Et d'ailleurs, vos effets personnels étaient un peu n'importe comment dans les trucs. Disons que c'est à vous de un peu récupérer vos affaires et aller les mettre comme il se doit. Vous retrouvez quand même assez soulagé, clairement, de vous retrouver dans ce train. Quelque part, j'ai envie de dire que le train, pour l'instant, même si vous avez eu des petits accroches un peu pas cool avant. Quoique non, je sais plus si c'était avec vos anciens personnages, mais pas avec... Attends, c'est avec qui vous avez eu des soucis dans l'Orient Express? C'est avec vos personnages là ou non, c'est les avec anciens, les anciens. Voilà. Donc, non, c'est avec les anciens, où on s'est tiré dessus mutuellement. Donc c'est très bien, puisque quelque part pour vous, ce train représente... Pour vous donner une idée, un petit peu, pour ceux qui connaissent ce jeu auquel je prends beaucoup de musique pour Toulouse, la salle de machine à écrire de Resident Evil, où c'est là le point safe, genre quand vous êtes là-dedans, vous êtes... C'est la save room de Left 4 Dead 2. Voilà, c'est la save room, ici vous êtes bien quand vous êtes dans l'Orient Express. Vous, comme vous aviez déjà, bon, vous savez que à peu près à l'heure où vous êtes, eh bien, dans une heure sera donné en gros le repas. Hein, vous pourrez prendre votre repas tranquillement dans la salle restaurant. En gros, vous savez que pour arriver jusqu'à Venise, vous allez compter à peu près 3-4 heures de trajet. C'est assez rapide, hein, vous n'êtes pas trop loin de Venise en train. Donc voilà, vous allez faire le repas et après seulement, une fois que vous aurez fini de manger, une heure ou deux, enfin 2 heures à peu près encore à passer, et après vous serez à Venise. Je vais aller dans les salles de télégramme, passer un télégramme pour commander un costume avec mes mensurations, comme ça ils auront déjà la commande déjà faite à Venise et ils pourront la réaliser, et j'aurai moins de temps à passer à attendre pour avoir mon... D'accord, donc monsieur commence déjà à prendre des goûts de luxe. Ce genre de service n'était pas chose que tu pouvais avoir quand tu étais à Londres. Oui, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Oui, non, mais je mais je dois. Oh, non, mais c'est parce qu'en fait, le costume qui a été déchiré, c'était justement l'ancien costume haut de gamme que j'avais commandé. D'accord. Donc c'est pour ça que j'en commande un autre, pour avoir une belle. Tout à fait, et bien. Le télégramme est parti Je commande un deuxième costume plus pour la vie de tous les jours de base. Alors, il est fort probable qu'au moment où tu arrives, le costume soit à peu près 4 heures pour faire un costume. Ah, c'est sûr. Voilà. Non, tu l'auras peut-être le lendemain. Voilà, ça que je commande maintenant pour pas l'avoir le surlendemain. Voilà. Vient le repas. Alors, est-ce que vous y allez tous ensemble? Peut-être pour un peu faire le point ou décider de faire table à part. On n'avait pas eu de problème. Moi, il n'y a qu'un truc qu'on doit faire avant le repas. C'est faire comme avant, de se trouver dans une des chambres, une planque où ranger la malle. Vous savez, pour pas qu'elle soit accessible directement, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre, qui fasse « Oh, magnifique !» Mais la malle, voilà. Déjà, il y a un cache dans la malle, justement, pour un double fond pour pas contrôler. Un double fond, exactement. Ouais. Mais de souvenir, à l'époque, peut-être que je me trompe, enfin, à l'époque, pour nous, c'était il y a quelques jours, mais il me semble qu'on était vraiment très prudents. Et on se disait, voilà, on planque ça dans un endroit comme ça. Oui, mais là, on a un buste supplémentaire, donc ça va être compliqué de. Non, mais en gros, là où vous aviez été super prudent, c'est justement quand vous étiez l'autre. Ouais. Groupe, et c'était un bouquin que vous cachiez Ah, c'était avec l'autre. Ah, pardon, excusez-moi, ma mémoire m'a joué des tours. Et que vous cachiez dans un. Ouais. Enfin, et c'est du le coup, fez, c'était. Le fez aussi. Ouais, il ouais, y avait le fez ouais. Et il y avait aussi le parche, enfin le bouquin qui allait avec, que vous aviez réussi à récupérer. Ce groupe-là, excusez-moi, en fait, ma mémoire, on s'était dit que justement le double front suffisait. Vu que c'est totalement. Bah, d'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que cette malle est assez volumineuse et vos cabines ne sont pas adaptées pour ce genre d'objet. Donc, vous savez que dans l'Orient Express, il y a un wagon chambre forte, en gros, qui est fermé avec plein de verrous dans tous les sens. Et en gros, ici, sont mis les objets de valeur. Donc, vous savez que quand c'est là, dans la logique, personne ne va y toucher. C'est assez bien sécurisé. Personne il viendra faire un tour normalement. Bon, dans tous les cas, okay, parfait, tu veux aller prendre un repas dans le wagon restaurant. Ok, bon, donc vous y allez tous. Oui. Ok. Alors, moi, je parle avec mon camarade de cabine. Après les autres, on va. Bah, en fait, vous sortez de vos cabines. Les autres répondent à travers le mur. Oui. Vous sortez des cabines et en fait. Au moment où vous sortez, bah, vous croisez de façon incroyable, hein, de plus grand des hasards, Catherine et Emilio qui sortent de leur cabine également pour se diriger vers le wagon restaurant. Ah, vous êtes là, nous allions aussi aller souper. Allons-y ensemble, au pire. Souper. Oh, mais avec grand plaisir. Non, mais vous dirigez là. Okay. Oui. J'ai vu qu'il y a. Je sais qu'il y a une bibliothèque assez intéressante à Venise où on pourrait peut-être aller pour faire quelques recherches. Peut-être cela pourrait être intéressant pour nous. Sur le parchemin ou sur l'artefact? C'est une. Je balance ça comme ça. Je ne sais pas exactement sur quoi faire la recherche, mais. Ça va être intéressant d'aller faire une recherche là-bas, approfondie, pendant une journée, posée dans cette bibliothèque à chercher. Car c'est une ancienne bibliothèque quand même, hein. On pourrait trouver des trucs intéressants, des trucs, des vieux écrits. Ouais, par exemple sur ces contrées qu'on a visitées à Lausanne. Exactement. Qu'est-ce qu'on va chercher? Si ça existe dans une littérature. Ouf, beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à chercher, je pense. Si c'est sur ce qu'on a visité en Lausanne, ça m'étonnerait. Enfin, vous pensez vraiment qu'il y aurait quelqu'un qui a écrit ça Peut-être qu'il a écrit de façon surnaturelle, enfin, dans un livre qui a été considéré comme étant un livre d'horreur, d'épouvante, qui n'a pas lieu d'être dans des documents tels que des écrits scientifiques, mais plus dans des nouvelles ou bien même dans la littérature dite. Rappelle-toi le produit, la Lausanne onirique. Donc on peut voilà, c'est ce que je plus là-dessus. Ce que je me disais aussi. C'est pas faux. Oui. Le duc, c'est ça? Oui, le duc. Oui, c'est ça. De souvenirs pendant nos recherches, il y avait beaucoup de choses floues. Donc en vrai, il y a plein de choses qu'on peut encore expliciter. Je suis d'accord avec Emilio, ça sera intéressant d'aller voir là-bas. Rappelez-moi, juste... Peter, du coup, il y avait une étape. Ah, pardon, oui, vas-y, je t'écoute. Non, finissez, je frappe. Ok. Peter, du coup, il y avait une étape pour Sedefkar à Venise? Oui, il y a certainement un morceau qui doit s'y trouver. D'après les notes du professeur Smith. On en sait. Qui était quoi? Qui était quoi? J'ai oublié. Une jambe. Ah, tu parles de quelque chose que tu ne te rappelles plus? On ne sait pas le morceau, mais on sait qu'il y a un morceau. Non, en gros, vous savez que comment dire le morceau serait venu sur Venise parce qu'il aurait été déplacé par les troupes de Napoléon lorsqu'il a pris le contrôle de Venise. La campagne d'Italie. 1794. C'est ça, ça serait peut-être dans le palais des Dodge. Je bluffe. Donc en gros, voilà, vous savez qu'il y aurait une pièce qui aurait transité via les troupes de Napoléon lorsqu'ils ont pris le contrôle de Venise. Voilà, après, vous n'en savez pas plus que ça. Et d'ailleurs, je voulais juste savoir, est-ce que vous voyez dans le lore le salon Venise dans le serveur Discord de... Non, c'est pas là. Non ? Non. Non, le serveur Discord, non. Non. Crotte. Putain, j'ai mis les pires missions. Je suis con, j'ai pas mis le bon truc. Là, lire les messages. Ah ! J'ai vu ce qui vient d'apparaître. Voilà, ouais, donc bon. Là, normalement, et là, vous pouvez voir tout ce que j'ai écrit dans Venise. Mm. Ouais. Donc là, c'est en gros, c'est les choses importantes à savoir, via d'ailleurs le bouquin que vous avez là, puisque ça prend mot pour mot ce qu'il y a dans votre petit bouquin. Mais comme ça vous permet de l'avoir. Du coup, vous êtes en plein repas. On vous apporte un peu tout ça. Et vous allez me faire, s'il vous plaît, un jet de toc. Il y a des yeux dans vos repas. C'est rêve de ça, j'en sais pas. Alors attends, je vais faire les jets de toc forcément mes camarades. Moi je mange. Voilà, donc je ne sais absolument pas. Catherine a fait 39 et c'est une réussite. Simple. L'autre il a 90 là, Albert. Et là il ne trouve rien. 88, donc c'est une réussite ordinaire. En vrai, 90, je sais pas comment tu fais pour avoir ça dès le début. Il a maxé. Mais Albert il a 90. Ouais, il a maxé. Tu n'as pas le droit de dépasser un certain seuil à part si c'est une spécialité, je crois. Oui, mais je crois qu'il a dû avoir d'expérience en plus pour nous rattraper, des trucs comme ça. Oui. À 90, tu vois tout. C'est un journaliste, c'est pas... Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un journaliste plutôt reconnu, si... ça. Alors, c'est un jeune journaliste, mais... Quoi qu'il en soit, il est seulement jeune. En ce qui concerne Peter, Catherine et donc toi Albert, vous remarquez à une des tables du restaurant une jeune femme. Dommage qu'il ne l'a pas vue. Que je vais vous montrer. La première photo. Oh non, je ne l'ai pas. Une jeune femme. Voilà, que je vais vous montrer maintenant. Est-ce que vous voyez quelque chose de bon et tout là. Ouais, mais elle est super jolie. Et là, c'est ton critique, c'est pour ça. Alors, d'ailleurs, je vais faire ça pour que les gens du live puissent le voir. Voilà. Cette femme qui en gros est seule à une table et vous la voyez en gros qui est habillée de noir et portant un voile que vous reconnaissez être un voile de deuil, et cette femme pleure par moment en fait vous l'entendez dire papa. Et elle pleure. Stanguilani, ça me dit quelque chose. Non, mais pardon, c'est vrai. Donc elle pleure en appelant son père. Et vous voyez que dans ses mains, elle tient un médaillon en argent et un mouchoir en soie, mais qui, à force de pleurer, est juste un torque. Un truc qui ne fait plus office de mouchoir, hein. c'est juste voilà. Je pense que c'est à mon tour de me lever. Je vais prendre ma voix de séducteur à Patrick Bruel. pire. Non, mais du coup, en voyant des douces larmes sur son si beau visage, je vais me diriger vers elle. En écoutant ses sanglots, je vais simplement lui dire si tout va bien, mademoiselle. Elle se tourne vers toi, essaie de ravaler ses larmes. Et vous voyez que dans un anglais parfait, elle te dit je viens de perdre mon père. Il vient de mourir d'une pneumonie. Et du coup, j'étais en vacances à Venise pour voir des amis et j'ai appris la nouvelle. Et maintenant, je vais retourner là-bas pour les funérailles. Donc, je peux m'asseoir. Donc, voyant qu'elle parle très bien, très bien anglais. Faites donc. Mais je ne serai peut-être pas de très bonne compagnie. Mais voir des larmes sur un si beau visage me rend tout aussi triste. Et j'espère que vous comprendrez que je suis pas là non plus pour autre chose, mais je souhaite juste un peu vous remonter le moral. Écoutez, je suis toutes mes condoléances pour votre père. Merci. J'espère que ce n'est pas été trop dur pour lui. J'ai eu pas mal de personnes dans ma famille. Ce n'était pas la pneumonie, malheureusement. Eux, c'était bien plus long et bien plus douloureux qu'ils les ont emportés. Mais je comprends ce sentiment d'abandon. En fait, il a fait une chute dans un des canals de la ville et a priori bien c'est ce qui lui a été fatal. Il ne s'en est pas remis. Mais c'est merci en tout cas de votre père était important à Venise. Nous sommes une famille plutôt influente de la ville, oui. Et oui, c'est... Et là, tu vois, elle te tend le médaillon et elle l'ouvre devant toi. Et en fait, tu vois la photo de son père, qui tu remarques d'ailleurs que c'est, il est pas si vieux que ça, et que là, je dis c'est un peu dommage, enfin c'est triste qu'un homme de cet âge-là décède d'une pneumonie. Surtout qu'il a l'air d'y tenir, quoi. Bah, c'est son père en même temps. Mais il y a des filles qui ne peuvent pas blairer leur père. Hein. Ouais, non, mais bon, voilà, on va dire que la majorité, normalement, heureusement, aime leur père, aime leur papa. Voilà. Mais après, tu te dis, oui, c'est. Il était. Il enseignait la philosophie et la religion à l'université. Foscari de Venise. Giovanni Stagliani. Giovanni. Si, mais voilà, je c'est assez difficile pour moi en ce moment, mais merci beaucoup de venir me consoler, même si je ne connaissais pas, vous êtes... Une oreille attentive et une épaule. Je vous souhaite encore du courage. Vous êtes quelqu'un de très fort, je pense. Et que dans ce deuil, j'espère que vous en sortirez quand même mieux. Merci. Je crois que la perte de votre père est quelque chose que nous ne pouvons jamais réparer. C'est vrai. C'est-à-dire, tu vois, au moment où tu fais ça, qu'il y a une femme. qui arrive derrière toi. Alors tu reconnais très vite que c'est une domestique. Hein. Elle est assez âgée, un âge assez affirmé, un âge assez affirmé, et qu'elle vient en gros s'occuper, ce qui est rire de l'état de la femme. D'ailleurs, elle vous dit, au fait, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Maria Stagliani. Mademoiselle Stagliani. Mademoiselle Maria, oui. Et vous, vous êtes? Je suis Peter T. Franklin. Je suis un acteur américain. Oh. En voyage dans les lointaines terres d'Italie. Je viens de passer un séjour à Milan magnifique. C'est bien sûr à la très belle ville, Milan, c'est vrai. Magnifique. Oh, les gens sont chaleureux et beaucoup d'humanité parmi ces personnes. C'est vrai, mais j'avoue que ces derniers temps, c'était assez froid. J'ai trouvé que la ville était méconnaissable. Alors, peut-être que c'est dû à la disparition de cette diva. J'ai eu la chance de la rencontrer dans ce vous même l'avez rencontré? Oui, une dame aussi prévenante et charmante aussi. Une voix des plus divines. Je crois que mon ami là-bas à la table avait beaucoup discuté avec elle en italien. Malheureusement, je ne parle pas. Du coup, elle regarde vers toi dans ta direction, Emilio. Ah, moi, je suis dos à eux, je l'ai pas vu. Et moi, je suis accoudé là à la table en train de manger un bout de pain. Et je dis, mais il est parti où en fait là? Après, il nous a laissé en plan alors qu'on parlait d'un truc important, quoi. Vous voyez du coup ceux qui sont face à elle, hein, qu'elle regarde dans votre direction, ceux qui la regardent, elle fait un geste de la tête, bonjour, vous voyez que... Il a trouvé charmante compagnie, visiblement. Et là, je me retourne, comme ça. Ah d'accord. D'ailleurs, je vais lui demander, et très rapidement, bien sûr, je veux pas l'indisposer, mais... Écoutez, je vois que vous êtes en plus quelqu'un de Venise. Et moi et mes amis souhaitons un peu visiter la ville, découvrir ces majestueuses bibliothèques. Et comme vous avez dit que votre père était professeur de philosophie de religion, et ce sont deux thèmes que j'aime aborder avec mes amis. Et j'aimerais bien, par exemple, savoir si vous savez quelle bibliothèque serait intéressante pour ce genre. Écoutez, si vous voulez, quand on arrivera là-bas, Je pourrais peut-être prendre un peu de temps avant les funérailles pour vous conseiller quelques endroits plutôt appropriés et voilà. D'ailleurs, vous savez où vous allez séjourner pendant pendant les quelques jours que vous allez passer le plus grand hôtel. J'avais pour habitude, je pensais aller à l'hôtel royal d'Agnelli, vu que c'est un nom qui me tentait beaucoup. C'est un bon choix, mais je vous aurais plus recommandé le Gritti Palace, qui n'est pas si loin de la place Saint-Marc. C'était très bon hôtel. Très bon hôtel, pardon. Eh bien, écoutez, je serais ravi... par la suite de vous remercier en vous invitant à déjeuner ou même à dîner si vous préférez. Après, bien sûr, les funérailles pour peut-être... Eh bien, écoutez, je... Pourquoi pas, nous pourrons discuter tous ensemble avec vos amis. Ah, oui, avec mes amis. Pardon. C'est ma séance, les gars. Laissez-moi faire. Ah non, là, je te laisse faire. Toi, tu l'as eu, la diva. Là, c'est mon tour. Du coup, tu vois que la femme qui était arrivée derrière toi te fait comprendre de manière assez courtoise qu'il est temps pour toi de retourner à ta table, retrouver tes amis. Putain, mais j'imagine que Madame Stagliani doit aller se reposer. Elle a besoin de repos. Si, j'imagine la femme un peu comme dans Harry Potter, McGonagall, tu vois. Très bien, madame. Vous êtes un fantôme voilà. Derrière moi. Je retourne à la table. Et là, tu vois, j'ai le sourire, mais jusque là. Et voilà, bah, je suis content. Donc, ça y est. Et les spaghettis étaient bons. C'est pour quand, Peter? Quand ça? Le mariage. Mariage. Oh là, non, non. Vous faites trop d'idées, Emilio. Simplement une dame qui avait besoin d'une épaule pour pleurer la mort de son père. Je vous raconte peut-être l'histoire, mais pour l'instant, finissons de manger avant que ça vous coupe l'appétit, tellement c'est triste et émouvant. Du coup, je profite un petit peu. Quel est, dans quel état tu es en ce moment, Albert? Est-ce que... est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu es plus vraiment dans la... juste dans l'écoute, ou il y a des choses que tu aimerais aborder quand même avec eux, parce que mine de rien tu les suis, mais oui, bien sûr, voilà, tu as peut-être envie d'avoir des réponses. Bien sûr, j'ai envie d'avoir des réponses. Alors je profite justement de ce moment où je sens que je peux tout doucement me livrer et peut-être les amener à s'ouvrir un petit peu plus à moi, et parce que j'aimerais bien comprendre un peu plus en détail ce qu'on cherche, ce qu'on fait, pourquoi on va à Venise. Alors, je vais te l'expliquer par les mots du professeur Smith. Est-ce que tu veux que je le fasse, MJ, comme ça fait RP? Non, mais clairement, il faut le faire, parce que et puis ça lui servira à lui, parce que Al n'est au courant en vrai de rien du tout. Donc, si vous lui dites rien, il ne saura rien du tout. J'arrête pas de parler, j'adore ça. Albert, votre oncle nous a confié une tâche des plus ardues, c'était de retrouver un artefact très ancien qu'on appelle le simulacre de 7FK. Nous ne savons pas trop ce qu'il en est, mais on sait que c'est une statue dont plusieurs morceaux sont dispersés durant le cours de l'histoire dans les divers coins de l'Europe. Et par chance, ces divers coins de l'Europe, on peut les passer avec l'Orient Express. C'est pour ça que nous sommes dans ce train aujourd'hui. Le premier morceau que nous avons retrouvé, c'est le bras gauche de la statue. C'est ce qui nous a mené ensuite sur pas mal d'autres pistes. Ce bras gauche, nous l'avons trouvé dans une ancienne demeure d'un certain comte Fénalic. Je ne vous donne pas les détails, mais ce comte avait une sorte de passion morbide. Et il y a quelque chose qui a l'air de venir de la part du spectre. Disons que dans les petits papiers, le comte Fénalic a été interné dans un asile, mais on n'a pas eu d'autres traces de celui-ci. Bon, il y a eu des choses étranges. À part ça, nous sommes aussi allés à Lausanne. Là, nous avons dû passer un marché pour avoir ce qu'on appelle le parchemin de Sedefkar. Il en existe plusieurs. Le parchemin, en fait, nous permet de comprendre un peu plus en quoi consiste justement l'artefact en lui-même. Et grâce à ce parchemin, nous pouvons le détruire. Sachant que notre destination est Constantinople, lieu où l'artefact fut créé, et seul lieu où on peut le détruire dans une mosquée à Constantinople. C'est les notes du professeur Smith. Voilà. Et du coup, nous récupérons un à un les morceaux, sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, dont un duc, apparemment. Et nous avons aussi reçu des menaces d'un culte qui s'appelle le culte des écorchés, qui sont du côté droit de Constantinople, le côté turc, hein, si tu veux. Et nous avons lu d'anciennes notes racontant l'histoire d'autres personnes allant à Constantinople pour aller détruire le Fès rouge sang, et sont tombés sur le culte de l'écorché qui ont qui ont tué une de leurs connaissances, mais qui ont pratiquement fait un massacre en écorchant vif les gens. Voilà. Je ne vais pas donner plus de détails parce qu'il reste plein de trucs que nous-mêmes nous ne savons pas. Je comprends mieux. Tout ça me dépasse énormément, mais en tout cas, merci, parce que si je suis là avec vous, il va bien falloir que je vous aide, et sans information, je ne sais pas bien à quoi je pourrais vous servir. Sachez juste que nous aussi, Nous sommes aussi démunis que vous face à la cité. Oui. Tiens, aussi, comme ça, je te donne quelques noms. Méfie-toi des Macriates. C'est tout. Des Macriates. Oui. Je crois que c'est le chef du... Non, le chef du culte des écorchés s'appelle Macriate. Et le train où nous sommes passés dans une autre dimension, c'était Mehmet Macriate qui avait vendu ça. Un train. J'ai pas envie de rétablir cette information, mais un train disparu qui était dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Ça paraît fou de le dire comme ça, mais... On a vu littéralement des corps sans vie reprendre vie et s'attaquer. C'est lourd à digérer tout ça. Et un homme qui a mangé son propre fils et on a extirpé le cœur pour... un rituel des plus malfaisants. J'entends encore le bruit du tchou. Je crois que j'ai pu faire. Dans mes nuits. Moi, je finis mes pattes quand je parle. Je crois que j'ai un gros le cœur là. Albert, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de psychologie. Donc, je vais le faire pour toi, évidemment, mais je le dis comme ça. Voilà. Ça, on reste un peu rationnel quand même dans ce qu'on dit. On va pas oui, oui, non, mais c'est juste pour que, en fait, il. Pour voir en fait comment, de la façon dont vous racontez les choses, comment il perçoit vos réactions. Parce que si c'est avec j'en lance le jet d'abord. Si le jet veut bien se lancer, je sais pas si ça s'est lancé ou pas. Si ça y est, il y a quelque chose qui se lance. Oui, ok. Oui. Du coup, Albert, tu vois, en fait, dans la façon dont ils racontent leur truc, que même si ça paraît complètement fou, ce qu'ils sont en train de te dire, eh ben, tu ressens quand même qu'ils sont pas en train de te raconter des conneries. Quelque part, tu remarques que ce qu'ils... Tu ressens que ce qu'ils sont en train de te dire, c'est la stricte vérité du point de vue de leur point de vue, okay. Qui sont pas en train de dire des conneries. Donc, mais il vaut mieux parce que ça aurait été dur à jouer sinon. Là. Mais c'est ce qui te trouble encore plus parce que voilà, des dimensions parallèles, des morts qui sont vivants et des gens qui mangent une personne qui mange quelqu'un d'autre, c'est Mais oui, c'est des infos lourdes à digérer, quoi. On a littéralement été transporté dans le temps, en Lausanne, en Suisse, dans une cité médiévale, en réalité, et on a vu un juge nous juger pour savoir si c'est la vérité ou non, si je me souviens bien. Transporté dans le temps, quoi. Et si on ne disait pas la vérité ou si on ne se faisait juger coupable, une statue venait nous trancher la tête. C'est The Party d'échec. Ah oui, non, et la partie d'échec en Harry Potter. Voilà. Ah non, mais on aurait dû faire le jeu du cochon au lieu de la partie d'échec. Ouais. Mais après, il ne s'agit pas à proprement parler d'un voyage en chambre. Enfin, c'était très particulier, mais disons que les deux monde était lié, puisqu'on pouvait y placer des objets, ce genre de choses. Et on pouvait se faire placer et mourir. Oui. C'était la Lausanne onirique, le produit que nous avons pris. Et tout ce que vous me racontez est complètement fou et dépasse tout ce en quoi je croyais jusque-là, mais je ne sais pas. Ouais. Et je pense que nous n'avons encore rien vu. D'ailleurs, avec tout ça, on a beaucoup vu. Avec tout ce que tu viens d'entendre, eh bien, je pense qu'il est temps pour toi, parce que... De mourir, exactement. Eh bien, et notamment parce que tu as réussi ton jet de psychologie, de me faire un petit jet de santé mentale. Le traditionnel, là, il y a tout ça. Pour lui, toutes les règles normales du monde viennent de s'effondrer, quoi, c'est... C'est normal. Mais comme ça, je vais faire ça sur la table, quoi. C'est-à-dire, avant le repas, il est en mode, ouais, c'est bon. Ouais, la rationalité. Alors, tu arrives quand même à supporter ça, même si tu te sens quand même vachement fébrile. C'est qu'ici, ils sont allés avec parcimonie sur la partie mystique. Je prends tout doucement la température depuis que je suis rentré dans la partie. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, ils ont mis le paquet. Et mais malgré tout, quelque part, extérieurement, tu ne laisses pas transparaître. Tu ne laisses pas transparaître une peur ou une profonde panique. Intérieurement, ça reste quand même difficile quand même pour toi. Et tu vas quand même perdre un point de santé mentale. Un petit symbolique. Un petit symbolique, parce que mine de rien, alors, sur quelque chose qui est pas du tout dans ton esprit avant d'arriver là, on te parle de dimensions parallèles, de morts vivants, de la notion de morts vivants était même pas, enfin, c'est même pas connu. Okay. Donc tout ça, c'est que t'intègres comme ça d'un coup, en sachant que tu te rends compte quand même qu'il te raconte la vérité. Bah voilà, tu te prends pas comme ça, c'est lourd. Tranquillement. C'est lourd. Donc tu perds quand même un point de santé mentale. Ce qui en soi, voilà, c'est pas bien grave. Je sais même pas si dans le vaudou existait déjà. Oui, le vaudou. Oui, le vaudou, oui. C'était pas forcément exporté, quoi. C'était pas devenu populaire. Ça, c'est le bon terme. Mais du coup, quel est l'enjeu sur. Sur cette statuette, enfin cette oui, cette statuette que vous voulez détruire. On doit y arriver avant. Désolé, j'ai oublié le nom du groupe qui veut du mal à votre oncle, notamment. Et comment formuler ça? Disons, je sais pas. Je sais pas comment le formuler. Non mais c'est horrible. Catherine est un peu remue tout ça en fait. Ouais mais on n'avait pas pris le temps de poser des mots et en vrai là j'ai pas des termes qui font très RP. De toute façon le Monsieur Smith nous a pas réellement dit pourquoi nous faisons ça, mais c'est bon que nous le faisons pour des raisons nobles. On commence à comprendre. Et oui. On se demande si c'est pas pour sauver le monde, ça serait grotesque de dire cela ainsi. Non, mais... Disons que cet artefact, dans son entièreté, pourrait, s'il était détenu par des gens qui ont des idées mauvaises, en gros, pourrait occasionner des désastres, des morts en pagaille, tout ça. Donc, en gros, ça pourrait être très mortel pour beaucoup de gens. Donc, quelque part, l'oncle a fait en sorte de réunir cette équipe pour essayer très rapidement de récupérer tous les morceaux du simulacre de CDFK afin de le détruire. Et pour cela, une fois que le groupe aura réuni tous les morceaux, ils devront du coup se rendre à Constantinople, puisque c'est là-bas qu'ils pourront le détruire, parce qu'il n'y a qu'un seul endroit où c'est faisable de le faire. Mais et en ça, il te partage, donc je le ferai à un moment donné, une liste en fait que le majordome de ton oncle leur a donnée, où en fait est énuméré tous les points stratégiques de leur voyage, les endroits où ils sont susceptibles de trouver les morceaux. Et d'autres documents qui pourraient être utiles aussi à la destruction de ce simulacre. Et du coup, ils suivent du coup à la lettre ce papier en fait, qui leur donne les indices pour après une fois sur place essayer de trouver les morceaux. Voilà. Ok. Oui, ben je vais pouvoir étudier un petit peu ces documents. Va être reposé tout à l'heure. Du coup, en gros, vous avez quand même passé pas mal de temps à discuter un petit peu pour un peu expliquer à Albert, en gros, le pourquoi de toute cette histoire. Et que, surtout pour lui expliquer que, le professeur Smith, du coup, a été victime, en gros, de gens, a priori, qui lui veulent du mal, et que c'est pour ça que c'est à vous qui revient aujourd'hui la mission de retrouver tout cela, parce qu'il n'est pas lui en état de faire quoi que ce soit et qu'il ne sait absolument pas où il est pour sa propre sécurité. Et du coup, le temps passe et finalement, vous voyez poindre au loin. La gare de Venise et qui est la gare Santa Lucia. Il est 17h à peu près. Hein, j'avais mal calculé mon coup, c'est un peu plus de temps que prévu, mais il est à peu près 17h quand vous arrivez là-bas et vous voyez que le soleil, enfin la nuit commence petit à petit à prendre ses quartiers sur la ville. Et je pense que comme il est déjà 23h55, eh bien nous allons nous arrêter là.